Columbia, l'orée du monde, je sens le noir m'envahir. J'entends le tonnerre qui gronde. Je voudrais m'endormir, je voudrais m'endormir. Souviens-toi, main dans la main, nous nous étions cachés dans un autre chemin. Les usines crachent de la fumée, alors se rejoignent les pôles. Toi ce soir tu as posé ta tête sur mon épaule. Ensemble, côte à côte, les ouvriers se déchaînent. Non, ce n'était pas ma faute. Les gris noirs se referment. T'es d'un côté, moi de l'autre. Les usines crachent de la fumée, alors se rejoignent les pôles. Toi ce soir, tu as posé tes têtes sur mon épaule.